Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Le Burundi abrite le 11e sommet de l'accord cadré pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC. 4 chefs d'État sont déjà présents ainsi que le secrétaire général de l'ONU. Et les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Djidjimurembwe atteignent près de 60%. La direction générale de la régie des eaux qui le dit annonce aussi la réhabilitation du réseau électrique de Bujumbura. Et les demandes des documents de voyage comme passeport qui ont été introduites jusqu'au 5 courant sont déjà disponibles. Le commissariat général des migrations appelle les propriétaires à récupérer ces documents. Voilà pour les titres et bienvenue pour les détails. Chancela Mugisha Bimana assure la mise en onde. Moïse Misago suit à la présentation. L'audio, nous vous disons bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, il se tient ce samedi à Bujumbura, la capitale économique du Burundi, le 11e sommet de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Ce sommet se tient au palais présidentiel de Kiriri, à mairie de Bujumbura. Les hautes personnalités comme Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat Faki, sont au Burundi. 4 chefs d'État sont déjà sur place. Il s'agit de Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, ainsi que le président congolais Félix Tshisekedi. Et sur ce 11e sommet de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région vient à point nommé car c'est un processus global qui garantit le climat de la paix dans la région. C'est du moins les propos du politologue burundais Deo Hakizimana. Ce dernier appelle les dirigeants de la région d'identifier les interlocuteurs les mieux écoutés comme le chef coutumier pour les associer à toute réflexion qui sera conduite pour un dialogue qui conduit à une paix durable. Écoutez plutôt le politologue burundais Deo Hakizimana au micro de Médard Niyonkuru. Nos attentes, c'est que d'abord, on confirme la mission du mécanisme qui va se réunir ici, parce qu'il s'agit d'un 11e sommet des chefs d'État signataires de l'accord cadre de paix, de la sécurité, de la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. C'est-à-dire, il s'agit d'imaginer un processus global qui fait que le climat de paix soit un résultat attendu partout où on se trouve dans la région. J'ai aimé cette approche et en tant que fondateur du CIRID, au mois de juin, lorsque le président Uhuru Kenyatta a déclaré officiellement que l'East African Community allait envoyer une force régionale en République démocratique du Congo, nous, au CIRID, nous avons réagi au lendemain de cette déclaration en publiant un appel. Un appel dans lequel nous avons très spécifié une des conditions sine qua non qui feront que la paix retrouvée sera une réalité réaliste et réalisable sur le terrain. C'était notamment d'identifier les interlocuteurs les mieux écoutés dans les populations locales et qui puissent être associés à la réflexion, à toute la réflexion qui sera conduite dans le cadre de ce dialogue. Il y a eu une réunion de mise en œuvre du processus de Nairobi et de Luanda, c'est comme ça qu'on les appelle. Et dans ce communiqué, le paragraphe, je me souviens, c'était le 4 novembre, il y a un paragraphe qui recommande l'inclusion des chefs coutumiers, pour ce qui est du Congo, les chefs coutumiers dans cette réflexion, dans ce processus. Moi, j'ai senti ça comme une innovation. J'aimerais bien que cette innovation soit confirmée au sommet de Bujumbura. La paix, ce n'est pas un cadeau. Et quand vous vous êtes battu pour la paix, après, il faut aller au-delà. Quand vous vivez la situation post-conflit, il faudra développer le pays. Développer le pays signifie mettre en place des projets, etc. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Poursuivons cette édition, la régie de distribution d'eau et de l'électricité, Régie des eaux, dit être à l'œuvre pour procurer de l'électricité suffisante à la population burundaise. Selon le directeur général Jean-Albert Manigomba, a indiqué que les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Djimouremgue sont à près de 60%, ainsi que ceux de Rusumo Falls, tout en signalant que ce dernier va fournir de l'électricité au cours de ce mois. Suivez dans cette traduction d'Evariste Ndikobanyang. Hariho jiji murembo. Jiji murembo ni proje no vuga kwigoye cyane yagiye mu bibazo byinshi. Tuko turagwana nazo. Il y a le barrage Jijimurembwe. Ce projet a connu beaucoup de difficultés, mais nous sommes à l'œuvre pour tenter de faire avancer ce projet. Actuellement, les travaux sont à 60%. Les travaux de construction du barrage et de la maison du central sont presque à la fin. Tous les équipements sont sur place. Nous sommes en train de tout faire pour que le barrage Jijimurembwe puisse être connecté au réseau national pour nous procurer à peu près 50 MW. Il y a un autre projet dont les travaux de construction sont au niveau de finissage. Il s'agit de Rusumo Falls, conjointement construit par trois pays, à savoir le Burundi, la Tanzanie et le Rwanda. De notre côté, l'on devrait construire le réseau de 179 km passant par le Rwanda. Le Rwanda et la Tanzanie nous ont devancé toute une année. Le Rwanda devrait construire un réseau de 100 km, la Tanzanie 67 km. Mais nous devrions contourner ces deux pays, mais nous avons achevé les travaux en première position malgré les indemnisations à la population où passe ce réseau. Ça fait déjà une année qu'on a achevé ce réseau, ainsi que les postes de Gitega et Muyinga. Nous attendons la connexion de notre ligne, le premier groupe pourra commencer à fonctionner au cours de ce mois de mai. Le deuxième au cours du mois de juin, le troisième au cours du mois de juillet. On aura au total 28 MW. Vous entendez que nous faisons un travail très louable. Le directeur général de la Régie des eaux annonce aussi la réhabilitation du réseau électrique de la capitale économique Bujumbura. Jean-Albert Manigomba explique que les coupures répétitives du courant électrique résultent de la vétusté de ce réseau souterrain qui date de la belle lurette. La Régie des eaux date de plus de 50 ans, car elle a été créée en 1962. Le réseau de Bujumbura est souterrain et les bénéficiaires étaient peu nombreux par rapport à l'état actuel. Aujourd'hui, la charge a augmenté, d'où il s'observe des coupures répétitives. Cela résulte aussi de la vétusté de nos équipements. Nous sommes en train de préparer la réhabilitation du réseau du 8 jusqu'au 12 du mois en cours. Nous avons la table ronde avec les bailleurs pour entamer les travaux de réhabilitation du réseau de Bujumbura. Ce réseau restera souterrain, mais nous allons remplacer les câbles et cabines. Après la réhabilitation, vous constaterez le changement. Les demandeurs de passeport qui ont introduit leur demande jusqu'au 5 courant sont invités à les récupérer au commissariat général des migrations. Dans un communiqué sorti ce vendredi, le commissariat général des migrations précise que ces documents de voyage ont été déjà confectionnés. Pierre Mouri, qui est porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, précise que le retrait est individuel sauf pour les enfants. À travers le commissariat général des migrations, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique communique à toutes les personnes demandeurs de passeports qui ont déjà payé jusqu'aujourd'hui 5 mai 2023 que tous ces passeports ont été déjà confectionnés. Ils sont invités à venir les retirer au commissariat général des migrations tous les jours de service à partir de 8h jusqu'à 17h. Pour récupérer son passeport, chaque demandeur doit se présenter physiquement. Seuls les parents peuvent récupérer des passeports pour les enfants mineurs. C'était Pierre Mourquier, porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Chancela Mugishoimana pour la mise en onde. Mais entre-temps, je vous rappelle qu'à Bujumbura soutient le 11e sommet de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Le sommet auquel participe Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Moussa Faki Mahamat, ainsi que quatre chefs d'État, y compris le président congolais Félix Tshisekedi. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Chancela Mugishoimana pour la mise en onde. Gardez l'écoute, le programme continue sur Isanganiro.